25%. 25% des défaillances d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Et ça, ça n'est pas normal. Alors pour que vous ne soyez jamais à court face à un paiement trop long, au Crédit Agricole, on vous propose Cash in Time. Vous cédez vos factures clients en ligne et recevez l'argent en moins de 24 heures. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Sous réserve d'acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing and Factoring. Conditions disponibles sur cashintime.com. Les nuits de France Culture, la nuit des dictionnaires. Tous les dictionnaires ne sont pas des dictionnaires alphabétiques et analogiques ou des dictionnaires de noms communs ou de noms propres, des dictionnaires étymologiques ou encyclopédiques. Certains dictionnaires sont des déclarations d'amour à un pays. La preuve, Alain Pozzuoli, votre dictionnaire insolite de l'Irlande, publié chez Cosmopol. Un dictionnaire qui va de la lettre A... A bell theater, je prononce très mal. Ah, eh ben non, pas Y. Mais si, bien. Y, ça va. Y, si. Y, Z. Oui. Mais la lettre Z, non, elle n'existe pas dans l'alphabet gaélique. Bonsoir, Alain Pozzuoli. Bonsoir, Philippe Garbi. Alors, je ne sais pas à quel âge vous avez effectué votre premier voyage, votre premier séjour en Irlande, mais peut-être que vous aviez un guide bleu, rouge, vert dans les mains, mais je pense surtout que vous aviez quand même les œuvres complètes, enfin, non, peut-être pas complètes, mais en tout cas, certaines œuvres de Joseph Sheridan Le Fanu ou de Bram Stoker. Est-ce que je me trompe? Effectivement, mon guide a été Bram Stoker. La toute première fois que je suis allé à Dublin, j'ai marché dans ses traces parce que j'étais en train de préparer ma première biographie sur lui. Et donc, j'ai essayé de suivre son parcours dublinois, parce qu'il a vécu la première partie de sa vie à Dublin et la seconde à Londres. Donc, je suis allé dans tous les endroits où il a habité, j'ai suivi son parcours d'étudiant, les différents emplois qu'il a eu pendant quelques années, parce qu'avant de vivre de sa plume, évidemment, il fallait qu'il travaille. Donc, j'ai vraiment suivi son quotidien un siècle après. Alors, vous êtes tellement irlandophile, Alain Pozzuoli, que vous avez évidemment décidé que Dracula était irlandais. Quand on lit les entrées dans votre dictionnaire insolite de l'Irlande, on voit les Beatles, on voit Beethoven, on voit Che Guevara. Donc, tous ces gens-là sont irlandais. Alors, ils sont soit irlandais, soit ils ont un lien très précis avec l'Irlande. Et c'est vrai que, non, Dracula n'est pas irlandais, mais donc, comme je disais tout à l'heure, son auteur l'est. Papa. Et on trouve justement la trace aussi de Dracula dans certains endroits de la ville, ce qui est assez amusant. Et les Beatles? Alors les Beatles, le seul point commun avec l'Irlande, c'est qu'ils ont fait un concert mémorable à Dublin au début des années 60. Ils n'y sont jamais retournés, mais ça a vraiment marqué les foules à tel point que depuis, je crois, ça doit faire 5 ans maintenant, la ville a instauré un festival Beatles. Donc tous les ans, divers groupes viennent chanter, évidemment, le répertoire des Beatles. Il y a des réunions de tout style, des conférences, on projette des documentaires, enfin, il doit certainement y avoir des karaokés aussi, Beatles. Donc voilà, c'est le lien, c'est l'unique lien, mais il est important. C'est peut-être aussi Yellow Submarine qui est... C'est possible aussi, parce que c'est vrai que le sous-marin est une invention irlandaise. Je dois vous croire absolument mais tout absolument, le temps, Alain Pozzuoli. Quand tiens, je lis votre absolument. Dictionnaire insolite, il n'y a pas de blague là. Non, absolument. Mais c'est une invention donc irlandaise, mais qui n'a pas plu grandement au départ. Enfin, c'est-à-dire le créateur a subi une quantité d'échecs incroyables avant que... Un boycott, pourrait-on dire? Oh, peut-être pas jusque-là, mais je dirais une indifférence, plutôt un déni même. On le prenait pas au sérieux. Ça paraissait tellement absurde, tellement incroyable, qu'on s'est dit c'est un farfelu et il a fallu attendre moins 20 ans avant que les choses se concrétisent sérieusement. Je dis boycott parce que c'est Monsieur Boycott est irlandais. Oui. Très bien, je vois que vous avez lu le livre. Oui, alors dites-moi, dites-nous pourquoi Boycott est devenu Boycott. C'est devenu Boycott parce qu'un certain si Boycott, je crois que c'était au 19e ou 18e, je ne sais plus exactement. Oui, était un propriétaire terrien qui s'est montré tellement odieux avec ses employés que les employés de sa société ont décidé de boycotter, c'est vraiment le mot, tout ce qui pouvait aider à la marche de l'entreprise. Donc ils ont déclaré une grève, ils ont intercepté le courrier et du coup ça a été la première action sociale vraiment dure qui a eu lieu dirigé contre un individu précis, Et du coup, il a donné son nom à ce type d'action. Bien malgré lui. Oh, j'ai cité Che Guevara en 3 secondes, Alain Pozzoli. Pourquoi Che Guevara a un rapport avec l'Irlande? Alors, de mémoire, je crois que c'est sa grand-mère qui était née en Irlande du Nord, par contre. Pas en République d'Irlande, mais en Irlande du Nord. Elle était née à Belfast. Donc, c'est le petit lien que j'ai trouvé avec... Parce que l'idée, c'était quand même de faire un dictionnaire qui soit un petit peu surprenant, parce que la collection s'appelle Dictionnaire insolite. Donc l'idée, c'était quand même de trouver des choses un peu inattendues et pas mettre spécifiquement ce que tout le monde savait déjà. Oui, enfin, ce que tout le monde savait déjà, mais que whisky n'est pas le whisky. Oui, alors ça, c'est une petite différence. Enfin, on apprend tout le temps. Oui, absolument. Moi-même, je ne faisais pas la différence. Effectivement, je me suis rendu compte que... En Irlande, on fait du whisky et en Grande-Bretagne, on fait du whisky. En Écosse et en Angleterre, on fait du whisky. Et aux États-Unis, on fait aussi du whisky. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'Irlandais qui sont partis. Mais bien sûr, les États-Unis, c'est le premier pays après l'Irlande où il y a autant d'Irlandais. Alors, donc, évidemment, vous traitez quand même la bière, les lieux importants, James Joyce, toutes les promenades dans le Bloomsday le 16 juin. Ouais. Mais il y a beaucoup de commémorations, de festivals. C'est-à-dire que la culture irlandaise est devenue pratiquement une culture internationale aujourd'hui, même sans avoir lu forcément des auteurs irlandais, on est forcément au courant, on connaît certains noms, et donc du coup ça décline plein de choses. Et tous sont allés à Trinity College? Ah, la plupart, oui. Oui, c'est à l'époque c'était l'unique université irlandaise, donc la seule chose c'est qu'elle était interdite aux catholiques. Mais la plupart des grands auteurs irlandais sont tous passés par Trinity, oui. Alors comment expliquez-vous, Alain Pozzoli, que l'Irlande soit à ce point le vivier de la littérature fantastique? Littérature fantastique qui vous intéresse beaucoup, vous nous l'avez dit, vous avez écrit sur Bram Stoker, vous avez écrit aussi des dramatiques pour la radio, d'après Sheridan Le Fanu, c'était Carmilla je crois. Oui. Alors, pourquoi l'Irlande? C'est dans l'ADN des Irlandais, l'extraordinaire, le fantastique fait partie de leur quotidien. À la limite, il n'y a pas de rupture. La mort ne fait pas peur comme chez nous. On est vraiment habitué à cette interpénétration entre le réel, le vivant, et puis l'irrationnel et la mort. Donc ça génère forcément un état d'esprit et puis une culture qui va avec. Alors les fées sont dans la nature, bien entendu, comme un peu partout en Europe, mais elles sont aussi en ville. Elles sont partout, elles aussi. Mais on a le droit d'en parler, de les citer? Alors non, par contre, la superstition veut qu'on ne prononce jamais leur nom et qu'on dise à propos d'elles, je crois qu'on les appelle le petit peuple. Les gentry. Oui, et... parce qu'il y a beaucoup de fées maléfiques aussi. Par exemple, la plus connue, c'est la Banshee. Et elle a la réputation de se manifester la veille de la mort de la personne qui l'entend. Donc c'est un très mauvais présage et donc on évite de prononcer son nom par superstition. Alors c'est des coutumes, enfin, ou des superstitions qu'on retrouve aussi en Bretagne, par exemple l'Ancou. Exactement. Il y a l'Ancou, il y a la Vendière de la Nuit qui sont très dangereuses aussi. Enfin, ça fait vraiment partie d'un tout et qu'on retrouve perpétuellement. Alors en revanche, les loups-garous sont très gentils en Irlande. Ah, ça c'est une découverte, parce qu'effectivement, les loups-garous, à la limite, c'était le bon copain, c'était le type dévoué qui prenait en charge la veuve et l'orphelin. Enfin, c'est assez surprenant. Les blessés, les gens perdus, les enfants. Oui, les fous. Et comment expliquer alors Je pense que ça vient toujours du fait que on a plutôt tendance à... Quand on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a toujours une méfiance vis-à-vis de lui, et ça, c'est pas forcément la bonne idée qu'on doit avoir. C'est quelqu'un qui est différent, c'est comme le vampire quelque part. Il a une image très négative parce qu'on le connaît pas. Et puis finalement, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de démoniaque. Oui, enfin le vampire, on n'a pas nécessairement envie de le croiser en Roumanie ou ailleurs. Le loup-garou en Irlande, on sait que si on va en Irlande, on peut croiser un loup-garou sans dommage. Ceci dit, on n'en voit pas tous les jours, je vous avouerai. Mais bon, la tradition veut que... Alors, c'est peut-être parce qu'ils respectent le crack. Les loups-garous irlandais. Qu'est-ce que le crack? Alors le crack, c'est un état d'esprit. C'est le plaisir d'être ensemble. C'est le plaisir d'être avec les autres. Par exemple, passer un moment dans un pub avec un ami ou des amis, c'est le crack. C'est vraiment l'ambiance chaleureuse qui fait qu'on a du plaisir à être ensemble. Et ça n'est que collectif. Par exemple, si vous êtes tout seul dans un pub, que vous vous sentez très bien dans votre peau, que vous passez un moment agréable, c'est pas le crack. Le crack, c'est avec les autres. C'est vraiment une ambiance générale et collective. C'est même devenu finalement une formule de rencontre. Oui, oui, oui, c'est une expression tout à fait quotidienne. C'est un peu quoi de neuf, quoi. Voilà, ça veut dire quoi de neuf, oui. What's crack. Dans ce dictionnaire insolite de l'Irlande, Alain Podjoli, donc il y a toutes les entrées, comment dire, sociologiques, littéraires, cinématographiques, historiques. Et puis il y a aussi donc, pour revenir à ces faits, les fantômes. Et on découvre finalement qu'il y a quelques fantômes, mais beaucoup moins qu'en Angleterre et en Écosse. Alors comment expliquer ? Oui, c'est pas dans l'ADN des Irlandais. Ah oui, curieusement, puisque ils sont quand même très portés par le fantastique, par l'irrationnel. Mais les histoires de fantômes sont plus des histoires anglaises. Bien que certains auteurs ont écrit de grands textes dessus, Le Fanu par exemple a écrit de nombreuses nouvelles sur le thème. Il a été copié par Bram Stoker, lui-même copié par un autre, par James O'Brien. Par Orson Welles aussi. Oscar Wilde aussi. Oscar Wilde a écrit une nouvelle. C'est même oui, c'est une nouvelle. Le fantôme de Canterville. Une pièce de théâtre, mais c'est aussi une nouvelle au départ, mais traitée d'une façon un peu humoristique, un petit peu décalée. Donc c'est un thème aussi qui parle. On a le droit de se moquer des fantômes. Bien sûr. Les loups-garous sont gentils. C'est pour ça qu'ils font partie du quotidien. C'est qu'on n'a pas cette distance qu'on aurait dans d'autres pays. Alors quelle est la période finalement la plus sympathique pour aller en Irlande à l'impôt de Jolie? Alors je dirais toute l'année. Ce que je trouve formidable en Irlande, c'est un petit peu pareil en Bretagne, c'est que même s'il fait mauvais... Et il fait mauvais. Pas toujours. Non, ça aussi c'est une idée fausse. Ah bon. Il peut faire très très beau, très très chaud en Irlande. Mais à la différence de la Côte d'Azur, si vous allez à la Côte d'Azur et qu'il pleut, vous savez plus quoi faire, c'est un petit peu désespérant. Alors que en Irlande, ça fait partie du paysage aussi. Vous rentrez dans un pub, vous prenez une bière devant une cheminée, un feu de cheminée, c'est un moment de craque. Pas seulement le 17 mars. Non, pas seulement, toute l'année. La Saint-Patrick. Ah, oui, bien sûr. Et donc, j'ai cité le 16 juin, le Bloomsday. Mm-hmm. Alors, vous êtes un lecteur de James Joyce, sûrement, Obligé, mais c'est pas... Je suis plus quand même dans... Du côté du fantastique. Dans l'ambiance stockerienne. Voilà. Oui. Mais que se passe-t-il ce 16 juin, quand même? Le 16 juin, à Dublin. Il y a un parcours dans Dublin où tous les fans de Joyce... peuvent retrouver les héros de son roman Ulysse. Je crois qu'on prête même des vêtements d'époque aux gens pour être vraiment dans l'ambiance. Et donc on refait le parcours d'Ulysse avec évidemment en cours de route des haltes où il y a certains comédiens qui lisent une partie du texte. Il y a aussi des conférences. Enfin, c'est toute la journée est consacrée au roman. Et sur Bram Stoker, est-ce qu'il y a l'équivalent? Et malheureusement pas, il n'y a pas l'équivalent, mais par contre, il y a des petits événements, comme par exemple à Clontarf, en face de sa maison natale, on a ouvert une sorte de, je dirais presque un Disneyland Dracula, qui est pas magnifique, toujours très très réussi, mais il y a un musée, le Wax Museum présente un mannequin à l'effigie de Dracula. Enfin, il y a des petites choses égrenées dans la ville, mais il n'y a pas un événement qui soit vraiment consacré, ce qui me désole un peu, parce que par exemple, j'ai appris il y a 2-3 ans que la maison natale de Bram Stoker avait été mise en vente. Donc je trouvais que c'était l'occasion idéale de la transformer en musée et ils sont passés complètement à côté. Donc c'est aussi un petit peu dommage. Vous parlez aussi, Alain Podjoli, dans ce dictionnaire insolite de l'Irlande, d'une maison qui a servi de cadre à l'écriture d'une nouvelle de Sheridan Le Fanu. Oui. Et qui est désertée, enfin, c'est étrange. Alors c'est une maison qui se trouve à l'entrée de Dublin, dans un petit village. Et... dans laquelle apparemment Sheridan Le Fanu aurait vécu enfant et qui visiblement l'a beaucoup marqué parce qu'il a écrit 2 ou 3 nouvelles sur elle, des nouvelles fantastiques. Et curieusement, la rumeur veut qu'elle soit hantée, puisqu'elle est inhabitée depuis très longtemps. Et c'était effectivement, quand vous êtes devant, elle est très impressionnante. Elle dégage quelque chose de personne, pas très agréable. Et personne n'ose la battre, en fait. Et personne ne la détruit, justement. C'est ça qui est étonnant. Non seulement elle n'est pas habitée, mais elle est intouchable. Donc vous allez imaginer un roman, là, un peu de Jolie, dans ce lieu étrange. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour, oui. D'autant qu'elle jouxte un petit cimetière, donc c'est très inquiétant. Alors évidemment, la couverture de ce Dictionnaire insolite de l'Irlande est verte. On apprend que les Irlandais ne sont pas roux, finalement, majoritairement. C'est pas un détail. Pas majoritairement, mais c'est... 10% seulement. Oui. Alors que quoi Comme quoi, on se fait des idées. Oui, nos lieux communs sont à combattre. Absolument, c'est la preuve. Oui, alors comment sont les Irlandais quand on arrive Les Irlandais sont très chaleureux, ça c'est une lapalissade, hein. Tout le monde le sait, mais c'est vrai. Ils peuvent être un petit peu, soupolés. Ça peut arriver, mais ils sont très accueillants, très très souriants. C'est vraiment des gens adorables. Que faudrait-il dire pour qu'ils soient soupe au lait, enfin que le lait monte à ce point? Il faudrait critiquer Oscar Wilde, Swift, Joyce. Tout simplement la ville elle-même ou leur mode de vie. Ils sont assez chauvins, mais on peut les comprendre. Mais quand vous êtes là-bas, vous parlez anglais, vous parlez irlandais, gaélique. Ah non, irlandais, c'est pas possible. D'ailleurs, ils ont un accent qui est parfois difficile à comprendre. Quand vous avez un véritable irlandais qui parle le gaélique et qui parle quand même en anglais, qui n'est pas le gaélique d'autres régions, en plus. Oui, en plus. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon, on arrive toujours à se faire comprendre. Surtout dans un pub, vous offrez une tournée de bière et ça va. Stout. Stout. Stout, c'est quoi alors donc? C'est la Guinness en fait. Mm-hmm. Alors vous, il y a des entrées sur les bières évidemment, les bières rousses, pas rousses. La bière irlandaise par excellence, c'est quand même la Guinness, hein, vraiment. Et la nourriture? Alors la nourriture, c'est vrai que c'est pas un grand pays du point de vue culinaire, mais bon, on peut quand même trouver des spécialités sympathiques. Il y a l'Irish stew qui est une sorte de ragoût de mouton. Il y a beaucoup de choses. On peut manger très très raisonnablement en Irlande, il n'y a pas de souci. Alors c'est un dictionnaire donc géographique, sociologique, mais aussi historique. Vous parlez du Bloody Sunday, évidemment. Ouais, ce qu'il y a, c'est que comme c'est une collection qui s'intitule Insolite, je n'ai pas voulu volontairement aborder des domaines qu'on s'attendrait à trouver avec un livre sur l'Irlande. Par exemple, la religion, la politique, j'ai pas voulu l'aborder parce que je me disais que ça n'avait rien d'insolite, justement. Donc, j'ai laissé tout ça de côté. Donc, j'ai essayé de traiter vraiment des choses un petit peu plus, parfois anecdotiques, mais moins convenu, si vous voulez. Et c'est seule la République d'Irlande. Hein, oui, absolument. Enfin, oui. Pourtant, vous parlez quand même d'une entrée sur Bloody Sunday. Oui, parce que c'était quand même difficilement, difficile. Et sur la Grande Famine. La Grande Famine, ça a touché toute l'Irlande. Et puis en plus, ça a encore des conséquences aujourd'hui. Donc ça, il était clair que je ne pouvais pas ne pas en parler. Ça. Parce qu'en plus, à Dublin, il y a une série de statues à la mémoire justement de cette période et des gens qui en ont souffert et qui est très émouvante. C'est des statues en acier, autant que je me souvienne, mais qui représentent des hommes et des femmes en haillons qui déambulent dans les rues. C'est très très traumatisant en fait comme œuvre d'art et ça prouve vraiment que ça a marqué les esprits. Et quand on prépare donc un dictionnaire de l'Irlande, est-ce que le travail est très différent? Si on vous avait demandé d'écrire un simple livre sur l'Irlande, est-ce que ça aurait été différent finalement de ce travail qui passe par le biais du dictionnaire? C'est différent dans la façon de l'écrire parce que ce qu'il y a d'agréable dans un dictionnaire en tant qu'auteur comme en tant que lecteur, c'est que on passe d'une entrée à l'autre, on n'est pas obligé d'aller de A à Z, justement, on pioche à droite à gauche. Il n'y a pas de Z, de toute façon. Et comme il n'y a pas de Z, c'est plus court. Et donc, c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est un petit peu ponctuelle. On écrit de temps en temps une petite entrée, on trouve une info, donc on peut enrichir les entrées comme ça. Donc, c'est un travail qui est différent, par exemple, d'écrire un essai. on est moins plongé dans une masse d'infos, alors que justement on a énormément d'infos à gérer, mais c'est plus agréable, plus facile. Il faut une concision, il faut que chaque article finalement excite la curiosité du lecteur tout de suite. Il faut qu'il y ait une certaine égalité entre les entrées. On ne peut pas faire une entrée de 5 pages et puis une autre entrée de 3 lignes, ça c'est sûr. Donc il faut un petit peu faire attention à ce que c'est une cohérence. Donc est-ce que vous êtes dit je vais alterner le passé finalement, le folklorique entre guillemets, les superstitions, les fées, les fantômes, comment ça s'appelle, Dalaan, c'est ça, le très méchant, la fée aussi, quelle est la méchante fée, la Gentry, je vais pas dire son nom parce que quand même c'est la Banshee. La Banshee, mais on a le droit de dire son nom, on ne risque rien. On peut tenter le coup, mais oui, c'est pas conseillé. Vous dites aussi, alors il y a des entrées telles que Eurovision. On découvre que pourquoi les Irlandais sont les champions de ce concours de chansons. Si on le savait, je pense que la France aurait peut-être remporté le prix depuis quelques années. Mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est le seul pays qui a remporté le concours aussi souvent. Ils ont été 7 fois vainqueurs, ce qui est vraiment étonnant. Vraiment, c'est. C'est un record. Personne n'a pu les égaler. Et bon, ils ont trouvé le truc, ils ont trouvé la formule, des chansons qui marquent, des musiques qui accrochent l'oreille. Et voilà, c'est une des découvertes que j'ai faites, effectivement, travaillant sur le livre. Il y a aussi le théâtre, évidemment, important. Bien sûr, avec l'Abbaye Théâtre, ça fait vraiment partie de la culture irlandaise et dublinoise en particulier. Alors c'était Lady Gregory, qui est ce personnage étonnant. C'était un personnage à la fois littéraire et politique, parce qu'elle était assez engagée politiquement. Et c'était une grande amie de Yeats, donc ils ont monté ensemble ce théâtre qui était au départ une association et qui est devenu un théâtre national et dans lequel on joue tout le répertoire irlandais. C'est un théâtre qu'ils ont offert à la République. Oui. Ça a été un grand moment dans la vie dublinoise parce que ça a rassemblé vraiment tout ce qui faisait l'âme de l'Irlande, tous les intellectuels, tous les artistes se sont retrouvés dans la création de ce théâtre et qui est encore actif aujourd'hui. Alors on a tous en image l'Irlande, des photos de Dublin, mais des photos de la campagne. On a une photo aussi en tête, nous, Français, du général de Gaulle en Irlande. Oui, effectivement, c'est vrai que quand de Gaulle a été désavoué en 69, je crois, il est parti faire une retraite d'un mois en Irlande, dans un petit village. Pendant les élections. Oui. Ça, il n'était pas en France. Et deux photographes, je ne sais plus s'ils sont anglais ou irlandais, ont eu le scoop. Ils ont fait quelques clichés de Gaulle sur la plage, dont un qui s'est retrouvé dans tous les magazines du monde. Il était dans un hôtel à Heron Cove, dans le Kerry. La petite histoire, c'est qu'on a été obligé de faire fabriquer un lit aux dimensions du grand homme, parce que il était tellement grand que les lits de l'hôtel ne pouvaient pas. Mais il avait une aïeule irlandaise. Oui. Du côté de sa mère. Oui, absolument. Ça aussi, c'est une petite découverte. Oui, vous n'inventez pas tout ça. Absolument pas. Je n'ai rien inventé. Il n'y a pas une entrée. Je vous le jure. Oui, non, on vous croit, mais de toute façon, on sent que c'est. Même le Z, c'est vrai que le Z n'existe pas dans l'alphabet gaélique. Je ne l'ai pas inventé. Oui. Et pourquoi? Il y a une raison. Ah, ça, je peux pas parce vous que quand même, une nuit des dictionnaires, vous auriez pu préparer ça. Vous ça, je suis pu pas nous linguiste, dire. Je peux pas vous le dire. Mais bon. Je ferai une enquête. Bon, très bien. Vous avez le temps. En tout cas, Alain Poggioli, vous reviendrez nous dire pourquoi le Z n'existe pas dans l'alphabet. Avec grand plaisir. Gaélique. C'est donc le dictionnaire insolite de l'Irlande, publié chez Cosmopol. Merci. Et cette nuit des dictionnaires continue. Elle continue avec des décraqués. Et puis un lieu de mémoire consacré au Petit Larousse. Et puis nous recevrons Gilles Lapouge pour son dictionnaire amoureux d'un autre pays, qui n'est pas l'Irlande, mais qui est le Brésil, publié chez Plon. On terminera par un dialogue, faut-il brûler les dictionnaires, Roger Pillaudin, en 1976, réunissait Paul Robert et Bernard Potier. Merci Alain Poggioli. Merci à vous. Listen, boys and girls, to me, while I sing my ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, QRSMTUV, WXNY and Z. Now you've heard it done by me. Try to sing your ABC. Happy, happy now we'll be that we've learned our ABCs.